بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Dieu, nulle divinité excepté lui. Le vivant, l'éternel qui subsiste par lui-même. Il t'a révélé le livre avec la vérité, confirmant ce qui avait été révélé avant lui. Et il avait révélé la Torah et l'Évangile auparavant, en tant que guide pour les gens. Il a révélé le discernement, le Coran. Certes, ceux qui ne croient pas au signe de Dieu recevront un lourd châtiment. Dieu est puissant et détenteur de vengeance. Certes, rien de ce qu'il y a sur la terre ou dans les cieux ne se cache de Dieu. C'est lui qui vous façonne comme il veut dans les matrices. Nulle divinité, excepté lui, le puissant, le sage. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. C'est lui qui t'a révélé le livre dans lequel se trouvent des versets explicites qui forment l'essentiel du livre et d'autres qui sont équivoques. Ceux dont le cœur est dans le doute mettent l'accent sur ce qui est équivoque, cherchant ainsi à créer la dissension en tentant de l'interpréter, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Dieu. Tandis que ceux qui ont une solide instruction disent « Nous y croyons, tout provient de notre Seigneur », mais seuls les gens doués d'intelligence y prêtent attention. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ Notre Seigneur, ne laisse pas notre cœur s'égarer après que tu nous as guidés. Y accorde-nous ta miséricorde. Certes, toi, et toi seul es le donateur. Notre Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens en ce jour au sujet duquel il n'y a aucun doute. Certes, Dieu ne manque jamais à sa promesse. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم أَحَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Ce jour-là, les richesses et les enfants de ceux qui ne croient pas ne leur serviront aucunement contre Dieu. Ils seront du combustible pour le feu, comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux. Ils ne croyaient pas en nos signes. Alors Dieu les saisit pour leurs péchés, et Dieu est sévère en châtiment. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus et rassemblés en enfer, un bien mauvais endroit pour se reposer. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Il y a eu un signe pour vous dans deux armées qui se sont affrontées, une armée combattant dans le sentier de Dieu et une autre composée de mécréants. Les mécréants virent clairement les croyants de leurs propres yeux, deux fois plus nombreux qu'eux. Dieu renforce ainsi de son secours qui il veut. Certes, il y a en cela une leçon pour ceux qui ont des yeux pour voir. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. On a enjolivé aux yeux des gens l'amour de ce qu'ils désirent, les femmes, la progéniture, des monceaux d'or et d'argent accumulés, des chevaux marqués, le bétail et les champs bien labourés. Tout cela est jouissance de la vie d'ici-bas. Dieu est celui auprès de qui se trouve la meilleure demeure. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Dis, puis-je vous informer d'une chose meilleure que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils se demeureront éternellement, ainsi que des épouses pures, et la satisfaction de Dieu. Dieu voit parfaitement ce que font ses serviteurs. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ceux qui disent « Notre Seigneur, certes, nous croyons. Alors pardonne-nous nos péchés et protège-nous contre le châtiment du feu. et ceux qui sont patients, véridiques, obéissants, qui dépensent et n'accumulent pas, et qui implorent le pardon avant le lever du jour. Dieu, les anges et les hommes, doués de savoir, attestent qu'il n'est de divinité que lui, qu'il maintient la justice au sein de sa création. Nulle divinité que lui seul, le puissant, le sage. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Certes, la religion acceptée de Dieu est la soumission. Ceux qui reçurent le livre ne s'opposèrent les uns aux autres qu'après que la science leur fut venue, par jalousie entre eux. Quiconque ne croit pas au signe de Dieu trouvera que Dieu est prompt à régler les comptes. S'ils argumentent avec toi, dis « Je me suis entièrement soumis à Dieu, ainsi que ceux qui me suivent ». Dis à ceux qui ont reçu le livre, ainsi qu'aux illettrés, vous êtes-vous soumis? S'ils se soumettent, alors ils sont réellement bien guidés. Et s'ils se détournent, alors il t'incombe de transmettre le message. Dieu voit parfaitement ce que font ses serviteurs. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Certes, ceux qui ne croient pas au signe de Dieu, qui tuent injustement les prophètes, et tuent ceux qui ordonnent la justice, promets-leur un châtiment douloureux. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines, ici-bas comme dans l'au-delà. Et pour eux, il n'y aura pas de secoureur. Alam tara ila alladhina utu naseeban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma baynahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre? Ils sont invités au livre de Dieu pour trancher leurs différends. Puis, une fraction d'entre eux s'en détourne et s'esquive. Cela parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un certain nombre de jours ». Ce qu'ils ont inventé les trompe au sujet de leur religion. Comment seront-ils lorsque nous les aurons tous rassemblés en ce jour qui ne fait pas de doute, lorsque chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'il aura acquis et que nul ne sera lésé? « ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Dis, ô Dieu, maître du pouvoir suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu retires le pouvoir à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. C'est dans ta main que se trouve le bien et certes tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Tu donnes subsistance à qui tu veux, sans compter. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Que les croyants ne prennent pas pour protecteurs des mécréants au lieu des croyants. Quiconque fait cela ne recevra jamais le secours de Dieu, sauf si vous craignez un danger venant d'eux. Dieu vous met en garde contre lui-même. C'est vers Dieu qu'est de devenir. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dis, que vous cachiez ce qui est dans votre poitrine ou que vous le divulguiez, Dieu le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il est omnipotent. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée à tout ce qu'elle aura fait de bien et à tout ce qu'elle aura fait de mal, chacune souhaitera qu'il y ait une très longue distance entre elle et ce mal. Dieu vous met en garde contre lui-même. Dieu est plein de compassion pour ses serviteurs. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Dis, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Dieu et aux messagers. S'ils se détournent, certes Dieu n'aime pas les mécréants. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Certes, Dieu a choisi Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran sur les créatures. En tant que descendants les uns des autres, Dieu entend tout et sait tout parfaitement. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Et rappelle-toi quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai dédié ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. Certes, toi et toi seul entends et sais tout parfaitement. » Lorsqu'elle eut accouché, elle dit « Mon Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Dieu savait mieux que quiconque de ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est point comme la fille. Je l'ai nommée Marie. Et certes, je demande ta protection pour elle et pour sa descendance contre Satan le banni. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Son Seigneur l'agréa parfaitement et la fit grandir de la meilleure manière. Il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait dans le sanctuaire où elle se trouvait, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle répondit « Cela me vient de Dieu. Dieu donne son comté à qui il veut. » إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Zacharie pria son Seigneur et dit: Mon Seigneur, accorde-moi de ta part excellente progéniture. Certes, tu es celui qui entend les prières. Alors les anges l'appelèrent, tandis qu'il priait, debout dans le sanctuaire. Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un fils, dont le nom sera Jean, qui viendra confirmer une parole de Dieu. Il sera noble et chaste et sera un prophète, faisant partie des gens de bien. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آية آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Il dit: Mon Seigneur, comment pourrais-je avoir un fils, maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Dieu répondit: Ce sera ainsi. Dieu fait ce qu'il veut. Mon Seigneur, donne-moi un signe. Ton signe sera que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le aux premières heures de la nuit et le matin. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Les anges dirent: Ô Marie, certes Dieu t'a élue et purifiée et ta préférée à toutes les femmes de la création. Ô Marie, sois dévouée à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'invisible que nous te révélons, ô Mohammed. Tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui serait le gardien de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se querellèrent à ce sujet. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Et rappelle-toi quand les anges dirent: Ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'une parole de sa part. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre en ce monde comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. Il parlera aux gens depuis son berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des vertueux. Elle dit: Mon Seigneur, comment puis-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Ce sera ainsi. Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décrète une chose, il dit seulement « soit » et elle est aussitôt. Dieu lui enseignera le livre et la sagesse, ainsi que la Torah et l'Évangile. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et fera de lui un messager aux enfants d'Israël. Certes, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Certes, je façonne la glaise pour vous et lui fait prendre la forme d'un oiseau. Puis je souffle dedans, et par la permission de Dieu, cela devient un véritable oiseau. Je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Et je vous informe de ce que vous devez manger et de ce que vous amassez dans vos maisons. Certes, il y a dans tout cela un signe pour vous si vous êtes croyant. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Je confirme ce qu'il y a avant moi dans la Torah, et je rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Alors craignez Dieu et obéissez-moi. Certes, Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Alors adorez-le. Voilà le droit chemin. أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Quand Jésus prit conscience de leur incrédulité, il dit : Qui seront mes alliés dans le sentier de Dieu ? Les apôtres dirent : Nous serons les alliés de Dieu, nous croyons en Dieu, et sois témoin que nous sommes soumis à Dieu. Notre Seigneur, nous croyons en ce que tu as révélé, et nous suivons celui que tu as envoyé. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et les mécréants tramèrent, et Dieu planifia contre eux, et Dieu est le meilleur des planificateurs. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Et rappelle-toi quand Dieu dit : Ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui ne croient pas, et jusqu'au jour de la résurrection, rendre ceux qui te suivent supérieurs à ceux qui ne croient pas. Puis, vous reviendrez vers moi. Et je jugerai entre vous de ce sur quoi vous divergiez. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Quant à ceux qui ne croient pas, je les châtierai d'un terrible châtiment, en ce monde comme dans l'au-delà. Et ils n'auront point de secoureurs. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, il leur payera entièrement leur salaire. Dieu n'aime point les injustes. Voilà ce que nous te récitons des signes et du sage rappel. Inna mathal Isa 'indallahi kamathal Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Certes, pour Dieu, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis à qui il dit « Sois », et il fut. C'est là la vérité venant de ton Seigneur, ô Mohammed, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Quiconque argumente avec toi au sujet de Jésus, après ce qu'il t'est venu de science, dis-lui « Venez, nous appellerons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nos propres personnes et les vôtres, puis nous prierons humblement » et invoqueront la malédiction de Dieu sur ceux qui mentent. Inna hadha lahuwa al-qasas al-haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwa al-aziz al-hakim fa in tawallaw fa inna Allah 'alimun bil mufsidin. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Voilà certes le récit véridique de Jésus. Il n'y a de Dieu que Dieu. Certes, Dieu est puissant et sage. S'il se détourne, alors Dieu connaît bien les corrupteurs. Dis, ô gens du livre, venez à un accord commun entre vous et nous, que nous n'adorions que Dieu sans lui attribuer d'associés, et que nous ne prenions personne comme Seigneur en dehors de Dieu. S'il se détourne, alors dis, soyez témoins que nous, nous sommes soumis. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ô gens du livre, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne furent révélés qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Certes, c'est vous qui discutez à propos de choses dont vous avez quelque connaissance, mais pourquoi discutez-vous à propos de choses dont vous n'avez aucune connaissance? Dieu sait, tandis que vous, vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était un véritable musulman et n'était point du nombre des polythéistes. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ Certes, les personnes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont celles qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, Mohammed, et ceux qui croient en lui, Dieu est le protecteur des croyants. Une partie des gens du livre voudraient bien vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes, mais ils n'en sont pas conscients. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux signes de Dieu, alors que vous en êtes témoins ? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux et la vérité, et pourquoi cachez-vous sciemment la vérité? وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Une partie des gens du livre dit « Le matin, croyez en ce qui a été révélé aux musulmans, mais le soir, rejetez-le. Peut-être reviendront-ils à leur ancienne religion. » Ne croyez que ceux qui suivent votre religion, dit « Certes, la vraie voie est la voie de Dieu. » Ils disent aussi « Redoutez que quelqu'un d'autre ne reçoive un message, comme nous en avons nous-mêmes reçu, et redoutez que ces nouveaux croyants puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. » Dit « En vérité, la grâce est dans la main de Dieu. Il la donne à qui il veut. La grâce de Dieu est immense et il est omniscient. Il réserve sa miséricorde à qui il veut et il est détenteur d'une grâce infinie. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu leur confies 1000 pièces d'or, te les rendront. Et parmi eux, il y en a qui, si tu leur confies 1 pièce d'or, ne te la rendront que si tu les harcèles sans relâche. Cela parce qu'ils disent « Nous n'avons aucune obligation envers ces gentils. » Ils profèrent des mensonges contre Dieu alors qu'ils savent. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Dieu, Dieu aime les pieux. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Certes, ceux qui vendent à vil prix leur engagement envers Dieu, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà. Dieu ne leur parlera, ni ne les regardera au jour de la résurrection. Il ne les purifiera pas de leurs péchés. Ils auront un douloureux châtiment. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Certes, il y a un groupe d'entre eux qui altèrent le livre avec leur langue pour vous faire croire que ce qu'ils disent provient du livre, alors que ce n'est pas le cas. Ils disent « cela vient de Dieu », alors que cela ne vient pas de Dieu, et ils profèrent sciemment des mensonges contre Dieu. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Il ne conviendrait pas à un être humain, à qui Dieu a donné le livre, la sagesse et la prophétie, de dire ensuite aux gens « Adorez-moi au lieu de Dieu ». Mais ce qu'il dit est « Soyez de fidèles serviteurs du Seigneur, puisque vous enseignez le livre et que vous l'étudiez de manière assidue ». Il ne vous a pas commandé de prendre pour Seigneur les anges et les prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi après que vous soyez soumis ? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Lorsque Dieu fit pacte avec les prophètes, voyez ce que je vous ai donné, comme livre et comme sagesse. Après cela, viendra à vous un messager, Mohammed, confirmant ce que vous avez déjà. Vous devrez le croire et l'aider. Puis, acceptez-vous et allez-vous endosser cette lourde responsabilité dont je vous charge? Nous acceptons. Alors soyez-en témoins et je serai témoin avec vous. Puis, ceux qui après cela se détournent, ceux-là seront les pervers. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Désire-t-il une autre religion que celle de Dieu, alors que se soumettent à lui, bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils retourneront. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dis, nous croyons en Dieu et en ce qui nous est révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons qu'une distinction entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Quiconque désire une religion autre que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui. Il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Comment Dieu guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru, et témoigné que le messager est véridique, et après que des preuves claires leur soient venues? Dieu ne guide pas les injustes. Ceux-là, leur rétribution sera d'avoir sur eux la malédiction de Dieu, des anges et de tous les êtres humains réunis. Ils y demeureront éternellement, leur châtiment ne leur sera point allégé, et ils n'auront aucun répit. Sauf ceux qui, par la suite, se repentent et s'amendent. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Certes, ceux qui ne croient plus après avoir professé leur foi et qui laissent augmenter leur incroyance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Certes, ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, même s'ils offraient comme rançon le contenu en or de toute la terre, cela ne serait jamais accepté. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureurs. Vous ne pourrez atteindre la piété tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez Et quoi que vous dépensiez, Dieu le sait parfaitement. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Toute nourriture est illicite aux enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël, Jacob, s'interdit à lui-même avant que la Torah ne soit révélée. Dis, apportez la Torah et lisez-la si vous êtes véridiques. Quiconque après cela invente un mensonge au sujet de Dieu, ceux-là sont les injustes. Dis, Dieu dit la vérité, alors suivez la religion d'Abraham le probe. Il n'était point du nombre des polythéistes. Inna awwal baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Certes, le premier sanctuaire qui ait été édifié pour les gens est celui de Baka. La Mecque, un lieu béni et une bonne direction pour l'univers. Là se trouvent des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham se tint pour prier, et quiconque y entre est en sécurité. Le pèlerinage à la maison, à la Mecque, est un devoir envers Dieu pour tous ceux qui peuvent se permettre le voyage. Quant à celui qui ne croit pas, qu'il sache donc que Dieu se passe largement des mondes. Dis, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux signes de Dieu alors que Dieu est témoin de ce que vous faites ? Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie de Dieu, l'islam, à ceux qui croient ? Et pourquoi cherchez-vous à rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité ? Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Ô vous qui croyez, si vous obéissez un groupe de ceux qui ont reçu le livre, il vous rendra mécréant après que vous ayez cru. Comment pourriez-vous ne pas croire alors que les signes de Dieu vous sont récités et que parmi vous se trouve son messager ? Quiconque s'attache fortement à Dieu est certes guidé vers le droit chemin. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ô vous qui croyez, craignez Dieu comme il doit être craint et ne mourrez qu'en état de soumission. Agrippez-vous tous ensemble au câble de Dieu et ne soyez pas divisés. Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par sa grâce, vous êtes devenus frères. Lorsque vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en sauva. Ainsi, Dieu vous montre clairement ses signes afin que vous soyez bien guidés. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui invite au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Ce sont ceux-là qui réussiront. Ne soyez pas comme ceux qui se divisèrent et se disputèrent après que des preuves claires leur soient venues. Ceux-là recevront un terrible châtiment. Le jour où certains visages s'éclaireront et où certains s'assombriront. À ceux dont le visage se sera assombri, il sera dit « Avez-vous renié votre foi après l'avoir professée ? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié votre foi. » وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Quant à ceux dont le visage se sera éclairé, certes ils demeureront éternellement dans la miséricorde de Dieu. Tels sont les signes de Dieu, nous te les récitons en toute vérité. Dieu ne veut point la justice pour les univers. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est vers Dieu que tout sera ramené. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Et vous croyez en Dieu. Si les gens du livre avaient cru, cela aurait mieux valu pour eux. Certains d'entre eux sont croyants, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ils ne vous causeront aucun tort, à part quelques agacements. S'ils viennent vous combattre, ils vous tourneront le dos et s'enfuiront. Et ils ne recevront alors point de secours. Où qu'ils se trouvent, ils sont couverts d'humiliation, sauf lorsqu'ils concluent une alliance de protection avec Dieu et avec les hommes. Ils ont encouru la colère de Dieu, la misère s'abat sur eux. Cela parce qu'ils ne croyaient pas aux signes de Dieu et tuaient sans droit les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Mais ils ne sont pas tous égaux. Il y a parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les signes de Dieu en se prosternant. Ils croient en Dieu et au jour dernier. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et rivalisent les uns avec les autres dans les bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les vertueux. Quelque bien qu'il fasse, il ne sera jamais renié, car Dieu connaît parfaitement les pieux. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Certes, ceux qui ne croient pas, ni leur richesse, ni leur progéniture ne leur serviront jamais contre Dieu. Ils seront les habitants du feu, où ils demeureront éternellement. Ce que les mécréants dépensent dans cette vie ressemble à un vent glacial, et mordant sur les récoltes de gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes et les détruit. Ce n'est pas Dieu qui leur a causé du tort, ils se sont causé du tort à eux-mêmes. Yeah. الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور Ô vous qui croyez, ne prenez pas de confidents en dehors de vous. Ils ne ménageront qu'un effort pour vous détruire. Ils aiment vous voir dans l'embarras. La haine se manifeste par ce que profère leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est encore pire. Nous vous exposons clairement les signes, si vous pouviez raisonner. Certes, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment point, et vous croyez au livre tout entier. Lorsqu'ils vous rencontrent, ils vous disent « Nous croyons ». Mais lorsqu'ils sont seuls, de rage contre vous, ils se mordent les doigts, dit « Mourez donc de votre rage. Certes, Dieu connaît bien ce qui est caché dans votre cœur. » وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ Si un bien vous touche, ils s'en affligent. Et si un malheur vous atteint, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes constant et pieux, leur ruse ne vous causera aucun mal. Certes, Dieu connaît parfaitement tout ce qu'ils font. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Lorsqu'un matin tu quittas ta famille pour assigner aux croyants leur position de combat, Dieu est audient et omniscient. Deux groupes parmi vous songèrent à fléchir, alors que Dieu était leur gardien et protecteur. C'est en Dieu que les croyants placent leur confiance. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ Dieu vous a déjà donné la victoire, à Badr, alors que vous étiez humilié. Craignez-le donc. Peut-être serez-vous reconnaissant. Lorsque tu as dit aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en renfort 3000 anges ? Mais oui, si vous êtes endurant et pieux et que l'ennemi vous attaque sans crier gare, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Dieu n'a fait tout cela que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs se rassurent. La victoire ne peut venir que de Dieu, le puissant, le sage. Afin d'anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier, afin qu'ils se retirent déçus. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Tu n'as rien à voir, ô Mohammed, avec la décision de Dieu de pardonner aux mécréants ou de les punir, car ce sont des injustes. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne dévorez pas d'intérêts usuraires en multipliant la somme prêtée. Craignez Dieu, peut-être réussirez-vous. Craignez le feu préparé pour les mécréants. Obéissez à Dieu et aux messagers. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Rivalisez les uns avec les autres pour obtenir le pardon de votre Seigneur et pour un paradis aussi large que les cieux et la terre. Préparé pour les pieux, qui dépensent de ce que Dieu leur a donné, dans l'aisance comme dans l'adversité, qui contrôlent leur colère et qui pardonnent à autrui. Dieu aime les bienfaisants. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ceux qui, lorsqu'ils font une mauvaise chose, ou cause du tort à leur propre âme, se souviennent de Dieu et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Dieu? Qui ne persiste pas sciemment dans ce qu'ils ont commis? Ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et dans lesquels ils demeureront éternellement. Voilà une généreuse récompense pour ceux qui font le bien. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Le sort traditionnel, imparti ou négateur, avons-vous cet accompli ? Alors parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui n'ont pas cru. Voilà un exposé pour les gens, une guidance et une exhortation pour les pieux. يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas alors que vous êtes les très hauts, si vous êtes vraiment croyants. Si une blessure vous atteint, pareille blessure a aussi atteint les autres. Nous faisons alterner les jours parmi les hommes, afin que Dieu puisse reconnaître ceux qui croient et qu'ils prennent les martyrs parmi vous. Dieu n'aime point les injustes. Et afin qu'il puisse éprouver ceux qui croient et détruire les mécréants. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ Comptez-vous entrer au paradis sans que Dieu ait distingué parmi vous ceux qui font effort avec acharnement et ceux d'entre vous qui sont patients? Certes, vous aviez l'habitude de souhaiter la mort avant de la rencontrer. Maintenant, vous l'avez vue de vos yeux et vous ressentez pour elle de l'aversion. Mohammed n'est qu'un messager. Avant sa venue, des messagers sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, feriez-vous marche arrière ? Celui qui se détourne de l'islam ne nuit point à Dieu. Dieu récompensera ceux qui sont reconnaissants. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين Aucune âme ne peut mourir si ce n'est par la permission de Dieu. Est une échéance fixée. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, nous la lui donnons. Et quiconque désire la récompense de l'au-delà, nous la lui donnons. Et nous récompenserons ceux qui sont reconnaissants. فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين Combien de prophètes eurent à leur côté de nombreux disciples combattants avec eux. Mais jamais ils ne se découragèrent à cause de ce qui les atteignait dans le sentier de Dieu. Pas plus qu'ils ne faiblirent, qu'ils ne s'abaissèrent. Dieu aime ceux qui sont patients. Ils n'eurent que ces paroles, « Notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans notre comportement. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. » Alors Dieu leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Dieu aime ceux qui sont bienfaisants. Ô vous qui croyez, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière, et vous reviendrez sur votre foi et serez perdants. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين Mais Dieu est votre protecteur, il est le meilleur des secoureurs. Nous jetterons la terreur dans le cœur des mécréants, car ils attribuent des associés à Dieu, pour lesquels aucune preuve n'a été révélée de sa part. Leur demeure sera le feu, quelle mauvaise demeure que celle des injustes. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين Certes, Dieu a tenu sa promesse envers vous quand par sa permission vous les avez mis en déroute, jusqu'au moment où il vous a montré le butin que vous convoitiez. Le courage vous a alors manqué. Vous vous êtes disputé au sujet de l'ordre donné et vous avez désobéi. Certains d'entre vous désiraient la vie d'ici-bas, tandis que d'autres désiraient l'au-delà. Puis, il vous a fait reculer devant eux, vos ennemis, afin de vous éprouver. Puis il vous a pardonné, Dieu est détenteur de la grâce envers les croyants. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Et rappelez-vous, quand vous avez escaladé la montagne, sans prêter attention à personne, tandis que le messager, derrière vous, vous appelait. Alors, il vous a rétribué par une détresse, s'ajoutant à votre détresse, afin de vous apprendre à ne pas avoir de chagrin pour ce que vous avez manqué, ni pour les revers que vous avez subis. Dieu sait parfaitement ce que vous faites. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Après la détresse, il fit descendre la quiétude sur vous, un sommeil qui gagna une partie d'entre vous, tandis que l'autre partie, soucieuse de son sort, avait au sujet de Dieu de mauvaises pensées, dignes de l'époque païenne. Ils dirent : Avons-nous une part dans cette affaire ? Dis : L'affaire tout entière est à Dieu. Ils cachent en eux-mêmes ce qu'ils ne te révèlent point. Ils disent : Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. Dis : Eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui Dieu avait décrété la mort seraient sortis pour se rendre au lieu de leur mort. Tout cela eut lieu, afin que Dieu éprouve ce qui se trouve dans votre poitrine et purifie ce qui se trouve dans votre cœur. Dieu connaît bien ce qu'il y a dans les cœurs. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Certes, ceux d'entre vous qui firent marche arrière le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement Satan qui les fit reculer, à cause d'une partie de ce qu'ils avaient acquis comme mauvaise action. Maintenant, Dieu leur a pardonné. Certes, Dieu est pardonneur et indulgent. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent, au sujet de leurs frères, partis en voyage ou combattant sur le champ de bataille. S'ils étaient restés ici, avec nous, ils ne seraient pas morts ou ils n'auraient pas été tués. Dieu en fit un sujet de regret dans leur cœur. Dieu donne la vie et cause la mort. Et Dieu voit parfaitement ce que vous faites. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Si vous êtes tué dans le sentier de Dieu, oui, mourez. Un pardon et une miséricorde de la part de Dieu valent mieux que tout ce qu'ils amassent. Que vous mouriez ou que vous soyez tué, c'est vers Dieu que vous serez rassemblés. C'est par la miséricorde de Dieu que tu as été doux envers eux, ô Mohammed. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se disperseraient d'autour de toi. Alors pardonne-leur et demande le pardon pour eux. Consulte-les sur les affaires courantes. Puis, lorsque tu t'es décidé, fie-toi à Dieu. Certes, Dieu aime ceux qui se fient à lui. Si Dieu vous aide, nul ne peut vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui donc peut vous aider? C'est à Dieu que les croyants doivent faire confiance. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Il ne convient pas à un prophète de commettre un abus de pouvoir. Quiconque s'approprie injustement une partie du butin viendra au jour de la résurrection avec ce qu'il se sera approprié. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Est-ce que celui qui recherche la satisfaction de Dieu ressemble à celui qui encourt sa colère et dont la demeure est l'enfer? Et quelle mauvaise destination! Il se situe à des degrés différents aux yeux de Dieu. Et Dieu observe bien ce qu'ils font. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Dieu a vraiment fait une faveur aux croyants en leur envoyant un messager, issu d'eux-mêmes qui leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'avant, ils étaient manifestement dans l'erreur. Quoi ? Quand un malheur vous frappe, bien que vous en ayez jadis infligé le double à vos ennemis, vous dites « D'où cela vient-il » Dis-leur au Mohammed, cela vient de vous-même. Certes, Dieu est tout-puissant. Ce que vous avez subi, le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est par la permission de Dieu, et ce afin qu'il distingue les vrais croyants. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Et qu'ils distinguent les hypocrites à qui on avait dit « Venez combattre dans le sentier de Dieu ou vous défendre ». Ils dirent « Si nous savions combattre, nous vous suivrions certainement ». Ce jour-là, ils étaient bien plus près de l'incroyance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Dieu sait mieux ce qu'ils dissimulent. À ceux qui, restés assis chez eux, disaient à leurs frères, « S'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. » Dit ô Mohammed, « Écartez donc la mort de vous, si vous êtes véridiques. » ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu soient morts. Non, ils sont vivants et trouvent leur subsistance auprès de leur Seigneur. Ils se réjouissent de ce que Dieu leur accorde. De sa grâce, et se réjouissent de ceux qui sont restés en arrière. Ils ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ils se réjouissent du bienfait de Dieu et de sa bonté. Et du fait que Dieu ne laisse pas perdre la récompense des croyants. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Une récompense insigne revient à ceux qui, après avoir subi des blessures, ont répondu à Dieu et aux messagers, et aussi à ceux qui, parmi eux, faisaient le bien et craignaient Dieu. À ceux-là, on disait « Certes, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les donc. » Cela ne fit qu'augmenter leur foi et ils dirent « Dieu nous suffit et quel excellent protecteur. » Ils revinrent donc avec un bienfait et une grâce de la part de Dieu. Et aucun mal ne les toucha. Ils suivirent ce qui satisfait Dieu, Dieu est détenteur de la grâce immense. Seul Satan fait craindre ses partisans. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes vraiment croyants. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Ne laisse pas la conduite de ceux qui se jettent facilement dans l'incroyance te chagriner. Certes, ils ne nuisent en rien à Dieu. C'est la volonté de Dieu de ne leur attribuer aucune part dans l'au-delà. Pour eux, il y aura un énorme châtiment. Ceux qui troquent la croyance contre l'incroyance ne nuisent en rien à Dieu. Pour eux, il y aura un douloureux châtiment. Que ceux qui ne croient pas ne s'imaginent pas que le sursis que nous leur accordons soit de bon augure pour leur âme. Nous ne leur accordons un sursis que pour qu'ils augmentent le nombre de leurs péchés. Pour eux, il y aura un châtiment avilissant. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Dieu ne vous laissera pas, vous les croyants, dans votre situation présente, sans distinguer les bons des mauvais. En aucun cas, Dieu ne vous dévoilera l'invisible. Mais Dieu choisit qui il veut parmi ses messagers. Alors croyez en Dieu et en ses messagers. Si vous croyez et vous prémunissez, vous aurez une récompense, un signe. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Que ceux qui accumulent avec avarice ce que Dieu leur a donné de par sa grâce ne s'imaginent point que c'est une bonne chose pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Ce qu'ils auront accumulé avec avarice leur sera attaché autour du cou au jour de la résurrection. C'est à Dieu qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre. Dieu sait parfaitement ce que vous faites. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Dieu a certainement entendu les propos de ceux qui ont dit « Vraiment, Dieu est pauvre, tandis que nous, nous sommes riches. Nous enregistrons leurs propos ainsi que le meurtre sans droit des prophètes, et nous leur dirons « Goûtez au châtiment du feu ». Cela à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement. Dieu n'est jamais injuste envers ses serviteurs. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Ce sont les mêmes qui disent, certes, Dieu nous a enjoint de ne croire en aucun messager, à moins qu'il ne nous apporte une offrande qu'un feu consumera. Dis-leur, avant moi, des messagers vous sont venus avec des miracles et avec celui que vous décrivez. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques? Et s'ils te rejettent, ils ont de la même façon rejeté des messagers qui sont venus avant toi, avec des miracles et avec les psaumes et le livre lumineux. إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tout homme goûtera à la mort. Ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement vos rétributions. Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Vous serez certes éprouvés dans vos biens et vos personnes. Vous entendrez bien des propos désagréables de la part de ceux à qui on a donné le livre avant vous et de la part des idolâtres. Mais si vous persévérez et choisissez la piété, ce sera la meilleure résolution. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Lorsque Dieu obtint un engagement de ceux qui avaient reçu le livre, il dit « Vous devez le faire connaître aux gens et ne pas le cacher. » Mais ils le jetèrent derrière leur dos et en tirèrent un vil prix. Quel mauvais gain ils ont acquis de cette façon. Ne compte pas que ceux qui exultent ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ne compte pas donc qu'ils soient à l'abri du châtiment, leur châtiment sera douloureux. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. Dieu est omnipotent. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Qui invoque Dieu debout, assis et allongé sur le côté, et médite sur la création des cieux et de la terre, en disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Notre Seigneur, celui que tu as fait entrer dans le feu, tu l'as vraiment déshonoré. Pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Notre Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui invite à la foi en disant « Croyez en votre Seigneur » et nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous donc nos péchés, efface nos mauvaises actions et fais que nous mourions en étant du nombre des gens de bien. Notre Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par l'entremise de tes messagers. Ne nous déshonore pas au jour de la résurrection. Certes, tu ne manques jamais à ta promesse. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Leur Seigneur les a alors exaucés. Certes, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque fait, homme ou femme. Vous provenez les uns des autres. Alors ceux qui ont émigré et qui ont été chassés de leur maison, qui ont souffert de persécutions pour ma cause, qui ont combattu et été tués, je vais certes effacer leurs mauvaises actions et les faire entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, comme récompense de ma part. C'est auprès de Dieu qu'est la meilleure récompense. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Que ne t'abuse point, ô Mohammed, le va-et-vient et l'aisance des mécréants à travers le pays. Ce n'est qu'une jouissance temporaire, leur demeure sera l'enfer, une demeure détestable. Pour ceux qui craignent leur Seigneur, il y aura des jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils y demeureront éternellement. Un présent de la part de leur Seigneur, ce qu'il y a auprès de Dieu est meilleur pour les charitables. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Certes, parmi les gens du livre, il y en a qui croient en Dieu et en ce qui vous est révélé et en ce qui leur a été révélé. Ils sont humbles devant Dieu et ne vendent point les signes de Dieu à vil prix. En vérité, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Certes, Dieu est prompt à faire le compte. Ô vous qui croyez, soyez patients et surpassez vos ennemis en patience. Soyez persévérants et craignez Dieu. Peut-être réussirez-vous.